peux se présenter, s'il te plaît? Alors, je me présente, je m'appelle Michael Delpech, j'ai 25 ans et j'aime la fête de la science. Donc, première question, c'est quoi la science pour vous? Pour moi, donc, la science, c'est la recherche et la connaissance. Voilà. Et donne-nous quel domaine scientifique? Un domaine scientifique. L'astronomie. Il y a la physique. Il y a l'archéologie. Et voilà. Ouais. Et quels objets vous font penser à la science? Le microscope. Toujours. Et où avez-vous appris la science? À l'école. Et sur Internet. Ouais, merci pour tout. Merci à toi aussi, de rien. Merci, voilà.